François Morel à 9h-4, c'est à vous François. Voyez-vous Manuel Valls, quand on est à côté de vous, on n'a pas spécialement envie de vous froisser parce qu'on se dit que pour le moment vous n'avez pas une vie si facile que ça. Donc moi, comme j'ai un bon fond... Si, j'ai un bon fond. Tout le monde vous le dira, c'est moi qui brief Bernard Guetta quand il a des incertitudes sur la situation politique un peu compliquée entre Lynn Bouchy et la Tchétchénie, par exemple. C'est moi qui corrige les fautes d'orthographe de Thomas Legrand. Il m'arrive de servir le café, les viennoiseries à Patrick Cohen, et même parfois de donner un petit balayage, une coupe, un brushing à Laurence Bloch, notre directrice, quand ça paraît nécessaire, et c'est souvent nécessaire. Je suis comme ça, j'aime rendre service, j'ai un bon fond, par conséquent, j'aimerais pouvoir éviter tous les thèmes d'actualité qui pourraient vous mettre en colère ce matin. Les élections, les attentats, la poussée du Front National, la montée du chômage, Emmanuel Macron. Mais je m'aperçois que tous les sujets d'actualité sont forcément des sujets qui fâchent et il m'est quasiment impossible de les éviter tous. Quand même, parce que j'ai bon fond, j'ai décidé de ne pas vous parler d'Emmanuel Macron, c'est déjà ça. C'est le vrai sujet. Hein. Oui, évidemment. Vous vous souvenez de la réplique de Robert Dalban dans un film dialogué par Michel Audiard. Je suis ancien combattant. Militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais c'est comme ça, jamais. On peut se demander si en l'occurrence les qualités d'anciens combattants et de bistrot ne sont pas superflues. Jean-Marie Gouriot, qui n'est ni ancien combattant, ni bistrot, ni militant socialiste, non seulement a entendu des conneries dans sa vie, mais les a notées. Ça donne ces formidables brefs de comptoir. Un jour, dans un bar, il a entendu cette phrase « Mon mari m'a tellement trompé que je ne suis pas sûr d'être la mère de mes enfants ». C'est peut-être un peu dans cet état d'esprit que se retrouve le militant socialiste de la région PACA. Le 17 septembre 2015, il entendait Jean-Christophe Cambadélis lui dire avec la plus grande autorité « Les positions développées par Christian Estrosi sont pires que celles de Marion Maréchal Le Pen ». Aujourd'hui, il observe Jean-Christophe Cambadélis l'enjoindre avec la même assurance, le même aplomb de voter Christian Estrosi. Bien sûr, je vous rassure, mais est-ce si rassurant, on peut adapter la réplique de Michel Audiard aux autres partis politiques, les militants républicains, centristes, écologistes et évidemment frontistes, en ont aussi entendu des conneries et plus souvent qu'à leur tour. Mais quand même, je pense aux militants socialistes de la région Grand Est. Il est allé voter la semaine dernière pour son candidat socialiste. Étant donné que le candidat qu'il défendait avant le premier tour continue de dire la même chose avant le second tour, les responsables de son parti lui disent qu'il ne faut plus voter pour lui. Bon, rassurez-vous. Mais est-ce si rassurant si par hasard le candidat anciennement socialiste, aujourd'hui sans étiquette, gagnait contre toute attente les élections ce dimanche, il pourrait récupérer assez vite l'investiture du Parti Socialiste. Une autre brève, la météo est une science qui permet de connaître le temps qu'il aurait dû faire. On peut sûrement adapter la phrase aux instituts de sondage. Une dernière pour la route, il vaut mieux prendre ses désirs pour des réalités que de prendre son slip pour une tasse à café. Allez dire le contraire. François Morel. Je le dirai pas. François Morel, merci. Merci beaucoup.